Il dit, oh, mais est-ce que vous êtes tous assaintés? Il dit, non, que c'est quand tu atteins certains niveaux, c'est les choses Alors que que ce sont tu les peux faire. soufis qui font cela. Voilà, que tu atteins certains niveaux. Non, non. Après, il me dit, par rapport à mon témoignage, il dit, toi-même, ce que tu as vu dans ton songe, moi-même, j'ai pu venir dans ton songe et puis je te dis les choses. Oui. Il dit, donne ton nom seulement élevé. Il dit, écoute, moi, je n'ai pas tenté mon Dieu. Oui. Il dit, non, oui, voilà mon Dieu, tiens mon nom à ton Dieu. Je n'ai pas tenté mon Dieu. Mais si jamais tu essaies, Le feu qui va te prendre. C'est qui va t'arriver à un jour au combat. Il dit non. Il dit donne-moi ton nom. Il dit je ne vais pas te donner mon nom. Parce que tu veux tenter de venir te manifester dans le feu. Voilà, genre, quand j'allais dormir le soir, il va venir me visiter. Il va venir me visiter et puis il va me dire des choses et tout ça. Moi je lui ai dit bon, ok. Non, je lui ai dit ok, mais je vais pas te donner, je vais pas te donner de nom. Mais si jamais tu t'aventures, que tu viens dans mon rêve, c'est qui va t'arriver, tu seras sous le responsable. Oui. On a réussi à discuter. Et les autres étaient là. Les autres étaient là. Il y avait un monsieur qui était là. Lui, finalement, il s'est rendu compte que non. Ah, là, ça va. Lui, j'ai pas fait un chrétien médiocre qui suit les gens. Lui, là, vraiment, il a fait des recherches. Parce que ce soit au niveau de l'islam, que ce soit au niveau du christianisme, j'ai vraiment fait des recherches. Oui. Donc, il me parlait. Mais est-ce qu'il sait déjà ce que l'islam dit sur Jésus? Qu'est-ce que l'islam dit de Jésus? Voilà. Ils étaient tous bloqués. Il a dit, mais tu me dis, l'islam vous dit par exemple que la Bible est falsifiée. Mais est-ce que l'islam vous dit exactement c'est vous qui êtes falsifié? Voilà. Montrez-moi exactement où c'est falsifié. Oui. Il ne peut pas. Il dit, bon, on parle de l'évangile, on parle du sabbat, on parle des psaumes de David. Est-ce que vous pensez que les psaumes sont falsifiés? Voilà. Que non, les sommes sont passées. Moi, je peux prendre les sommes pour vous montrer que le somme pas de Jésus. Il est là, il dit, c'est un peu bon. Finalement, frère, moi, il est dormi. C'est pour ça qu'il y a un autre courant maintenant qu'ils essaient de prendre, plutôt les sommes là qui parlent de Jésus en appliquant ça à Mohamed. Oui, ils se débattent maintenant pour faire cela. Le tout nous dit, je vous enverrai le consolateur, il dit, non, voilà, que ça veut dire. Et ils entendent parapluie, ça veut dire le merveilleux. Il dit, tu dis ça en arabe, ça veut dire Ahmad. Voilà. Ça vient du nom de Mohamed. Donc, du coup, c'est lui qui va arriver. D'abord, raconte-nous comment ça s'est passé chez toi. Mais. Attends, mec, tu veux venir? Oui. Ça s'est passé comment alors? Ça s'est passé comment le. La vie. Comment le Seigneur. Comment. Bon, déjà, premièrement, moi, je viens d'une famille musulmane. Et quand j'étais enfant, c'est moi qui t'ai réunisé. Comment ça? C'est moi qui appelais les gens à la paix. Le matin, non? Quand on recite là? Les soirs, c'est moi qui faisais ça. Bon, c'était, j'avais commencé parce que moi, je commence très tôt. Là, j'ai 7, 8 ans, 9 ans. Donc, du coup, moi, j'ai commencé à cet âge-là. Oui. Mais bizarrement, il y avait des choses qui me venaient à cœur. C'est que chaque fois que je me mettais sur mon tapis de prière, oui. Je levais une prière à Dieu, je lui disais, montre-moi véritablement le chemin, parce que je ne veux pas me retrouver devant toi, et puis je vais payer les responsabilités, justement, si jamais je me trompe, oui. Je vais payer les responsabilités des autres, parce que j'ai suivi la voie de mes parents. Montre-moi la vérité. Donc à la souche, tu es né dans une famille musulmane. Oui, tout le monde est mon grand-père, du côté maternel, était féticheur. Mon grand-père, du côté paternel, bon, ils étaient tous à fond dans l'islam, quoi. Oui. Mais... voilà, bon, moi j'ai grandi dans... Ça, c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, dans un environnement pareil. Donc, du coup, dans mes prières, c'était ça. Quand je mettais sur le tapis de prière, je voulais que Dieu me révèle la vérité pour ne pas que je me trompe et tout ça. Et du coup, j'ai quitté ma famille maternelle. Je suis allé avec la famille paternelle, la soeur de mon père. J'ai grandi avec elle et tout ça. Et comme c'est un quartier assez, genre, un quartier chic et tout ça. Oui. Donc. Et du coup, mes amis d'enfance. Les gens avec qui j'ai grandi, j'ai été à l'école. Bon, étant jeune, on faisait des bêtises. Oui. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Mais après, quand tu faisais des bêtises, tu allais toujours à la mosquée. Ouais. Bon, c'est pas que j'allais à la mosquée, mais je priais à la maison. En fait. Je faisais mes prières, souvent là à la mosquée. Les cinq prières. Ouais, les cinq prières, tout ça. Bon. Étant jeune, ils n'étaient pas à fond dedans. Oui. Donc, du coup, eux, bon, étant jeune, on a voulu avoir l'argent facile. On se cherchait à avoir l'argent, les filles, ils font ce qu'on voulait et tout ça. Oui. Donc, du coup, un jour, on était six dans le groupe. Il y a quatre qui sont dessinés, quatre. Il y a un gars qui est venu dans le quartier, il leur a dit qu'on peut avoir l'argent facilement, des trucs comme ça. Donc, du coup... Et vous six là, vous étiez tous musulmans? Il y avait un chrétien, oui. Et puis le reste c'était des musulmans. Oui. Bon, quand on dit, à l'époque. Chrétien, on dit que quand tu n'es pas chrétien, tu es musulman forcément. Voilà. Donc il n'était pas musulman. Il n'était pas musulman, en tout cas on ne priait pas. Oui. Il y avait nos vies de jeûne et tout ça. Maintenant, ils sont dessinés les pactes. Et nous on ne le savait pas. Partez avec Satan. Avec Satan. Oui. Donc, et